Aïe aïe aïe, ouh. C'est la fusée, ah. Tout tout tout, en mode abusé, ah. Wari, il fume la fusée. Petit frérot, il est en train de dormir, ok. Tu croyais quoi? Ça veut de l'or, ça veut de l'art. D.U.L. père de TN, on pied la classe. Tu me verras pas en limousine, moi. J'suis un chien de la casse, présente tes cousines. J'suis trop déter au volant d'une Clio qui n'a jamais rêvé d'avoir la vie de Massimo. J'suis pas au maximum, la vie m'a taclé depuis mom. Le quartier c'est ma vie, pour que tu partes, faut me tuer au minimum. J'rappe les petits qui bandent en stein, tous les grands dans leur BM. J'sais pas avec quoi j'suis croisé, j'crois que j'ai du but dans l'ADN. Un 3-5, cric cric, bébé bang bang, Joule c'est la crème. C'est un truc de ding ding, ça coûte des kilos. Ça s'écoute de soirée en soirée, ça rêve de la chatte à Gilo. Tu croyais quoi, espèce d'enfoiré? Au lieu de parler, vas-y, tue-moi. Mais n'oublie pas que le quartier aura ta peau. Un pour tous, tous pour un. Est-ce que tu vois? Une fois que j't'ai choqué, impossible d'ouvrir la mâchoire. Ils croient que le rap c'est une mode, qu'ils comprennent qu'on n'a pas le choix. Yeah, ça c'est pour mes loups, à coup de carré droit sur le terrain. Et les MC, si vous voulez me clash, j'vous casse les reins depuis quand ils ouvrent leur gueule, frère. M'appelle pas ma gueule, man. Là c'est ma team terre-terre. Fais gaffe à ta sœur, man. On a la tête déchirée, le cœur et la chape virée. J'ai pas les couilles de tuer, mais pour moi, ma t'inquiète, j'irai. J'suis trop énervé, un peu à la Fidel Castro. J'suis calme, mais j't'incule si un jour tu me les castro. Ça parle de Glock, de Drogba. Nique tes morts si tu sautes pas. J'suis toujours le même, t'inquiète, Julie, j'drogue pas. Wesh les folles, j'ai pas la bague. Nique les balances, et ouais, c'est à cause d'eux qui se font embarquer par la bague. C'est là que j'vois que les femmes, ça aime que les E et la queue. Ça se croit fort parce que ça y est, ça a arraché 2-3 sacs. On n'a pas le temps pour les femmes, on pense à ce qu'ils nous l'ont mise. Et le soir pour s'évader, on s'écoute du hola, son mien 3-5-5. Déguste en fumant ton 5-5, c'est ding ding. Pour un regard travers, maintenant ça bang bang. C'est du là, pas Tony Montana. J'suis pas un gangster, j'ai pas la cagoule ni le bandana. Ma vie c'était le ballon, comme tu vois, ça m'a fané. À ceux derrière les barreaux, condamné pas que pour une année. Ouh. Ouais, ouais. J'suis pas venu te faire un discours. Ça vend des 10. Eh ouais, même si des fois ils sont trop courts. C'est l'impro man, nique sa mère, c'est du rap de pro man. Yeah, si tu veux test, t'inquiète, j'suis pas mort, j'étais dans l'égout. Yeah, j'te mets au parfum. Yeah, plus tard, j'veux vendre mes CD par 20. Non, non, pas par 20, par milliard. Pour oublier les soucis, ça, ça boit du Ricard. Attends, attends. Frère qui roule en slider, en mode rouge-visière teinté. Chez moi tous les petits jeunes sont des acteurs, en mode Ghost Rider. Dans les caves ça joue les rocos, cagoulé ça braque en croco. Nique l'état, leurs petits jeunes veulent vite les parts. La santé, l'argent, c'est dans le shit qui part. Je m'en sortirai, ça c'est sûr et certain. On fait comme on peut, des E, et ouais c'est ça mon cousin. Trop content quand la maman vient me lever de mon coussin. Je veux des dollars, et ça depuis que je joue en poussin. Lever les mains ce n'est pas un braquage. Je viens baiser le rap MC, prépare tes bras. Wesh baby, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu me veux? Je veux pas de lady, j'en ai trop pris par les cheveux. C'est pour les frères, un chien, dehors comme en maison taille. Mon rap c'est pas le vote, venez pas le compagne. Énervé, je rappe sans aïe, venez pas me bail. La routine, non, je vais vous mettre la tête au caille. Pour la guerre, je suis paille, mon son apparaît. Dans les têtes aux petits du quartier, dans leur appareil. J'ai pas disparu, je fréquente un peu plus la rue. Je me la pète pas, je me sers pas de mon rap pour me faire une carrure. Ça, ça, ça me ca. Quand je rappe ça fait kodo, ça veut le cabriolet. Ça s'amuse qu'à voler. Quand je rappe ça fait kodo, ça veut le cabriolet. Je baladais avec le billet violet. Ça veut braquer ça, sans penser à joler. Ça fait que ça folait. Entre frères ça veut se la donner. On est tous la zonée, à chômer. Et quand t'es des instruits avec Wari, c'est des meurs qu'on commet. Tu vois je bégaye, mais c'est pas grave, je pars en impro. Nique les traps, avec Wari c'est du rap de pro. Oh tu croyais quoi, un 3-5, on zing zing. Comme d'habitude, c'est pour ceux qui sont là les zinc zinc. Yeah, nique sa mère les man. Ceux qui jouent les chocs en bas des blocs man.